Te fais pas de bile, on est plusieurs dans des épreuves qui morphent. Y'a des victoires qui n'en valent pas la peine et des erreurs qui forgent. J'ai réveillé l'inspi qui danse crayon sommeil. J'essaie de chasser la pluie comme un rayon de soleil. On fait les mecs qui blaguent, deux heures plus tard on a les nerfs qui craquent. On devient fortige que pour se mettre minable. Y'aura des jours meilleurs, mais le présent nique la vue. À ceux qui se sentent seuls, à ceux qui n'y croient plus. Le regard des autres n'a d'importance que lorsque naît la honte. Ma gueule, baisser la tête, c'est le meilleur moyen de creuser sa tombe. Chasser le brouillard, ça devient dur quand les névroses s'unissent. En chacun de nous se cache quelque chose d'unique. Ça sert à quoi de les jalouser, tous les parcours diffèrent. Le but c'est de faire sa route, d'avoir la force d'y croire. Tu sais, moi j'en connais qui ont des tours d'ivoire, mais qu'ont le moral d'un SDF qui se prépare pour l'hiver. Faudra être fort, faudra se battre, faudra peut-être subir. On est très fort pour se diviser, beaucoup moins pour s'unir. On garde l'espoir d'un jour meilleur, plongeant nos regards dans le ciel, recherchant la lumière pour que nos larmes produisent des arcs-en-ciel. Te fais pas de bile, on est plusieurs dans des épreuves qui morphent. Mais une victoire après plusieurs défaites a une saveur si forte. Elle te redonnera le sourire quand ton démon sommeille. Ça sert à rien de chasser la pluie, faut créer notre soleil. La grisaille se nourrit des esprits guidés par le manque. Et les jours passent comme des feuilles mortes emportées par le vent. La destruction c'est le résultat des symptômes de nos peines. On accumule du seum comme des victimes du syndrome de Diogène. Les jours passent, les corps et les fleurs fanent. Mais notre jeunesse est une rose éternelle. On vient d'en bas, on visera le haut de la cime. Car cette rage trop massive a semé la tempête dans nos cages thoraciques. Tout fier de nos racines, malgré la mauvaise graine. Pour vivre ses rêves, faut se libérer de ses chaînes. La lumière est plus facile à discerner la nuit. Si dans ta vie tu veux des arcs-en-ciel, faut accepter la pluie. Je me nourris de petites choses, tout comme me souvenir de mes valeurs. Un fou rire à pas d'heure, un sourire de la daronne. Je te l'ai déjà dit, faut savoir se relever. Ça sent se cogner la tête, tu connais la règle. Car pour connaître la joie, faut peut-être s'en donner la peine. À ceux qui rêvent de vivre, à ceux qui traînent dehors, à ceux qui gèrent le pire, à ceux qui perdent le nord. J'ai retrouvé cet inspi qui dans le crayon sommeille. Ça sert à rien de chasser la pluie, faut créer notre soleil. À ceux qui rêvent de vivre, à ceux qui traînent dehors, à ceux qui m'ont compris, à ceux qui perdent le nord. À ceux qui envoient toutes les couleurs, qui sèchent leurs larmes sans cesse, qui cherchent une lueur d'espoir dans la grisaille pour faire des arcs-en-ciel.